Bonjour les amis, welcome to French Pod America. Et je suis Amaury, bonjour à tous. We have an intermediate lesson. Une leçon intermédiaire où nous allons passer une après-midi avec deux demoiselles. They're gonna go shopping. Oui, il n'y a pas de secret, beaucoup de femmes adorent faire du shopping, adorent faire les magasins. This is true. So let's hear what they do and what these chicks talk about in France when they go on shopping trips. Alors on les suit ensemble et on écoute le dialogue. Ça te dit qu'on commence par cette boutique ? Ouais, c'est parfait. Ils ont le jean de mes rêves. Oh non ! Il n'y a plus ma taille ! C'est pas grave. Essaye celui-là, il a l'air pas mal. Moi, je vais essayer ce petit au rouge. Je le trouve mignon. Alors, il te va le jean ? Non, regarde. J'ai l'air grosse. Mais non, c'est juste que c'est pas ton style. Et le haut, comment tu le trouves ? Oh là là ! Il est trop joli. C'est vrai, tu aimes? Il n'est pas trop moulant? Mais non, prends-le. Tous les yeux seront rivés sur toi. It almost sounds like girls who go shopping talk the same in all places. They have the same concerns. Oui, les mêmes intérêts. Yeah, and the same worries. Ouais. It seems. Et c'est jamais parfait. True. Let's start at the beginning. And the very first thing that one of them says is a great sentence. Ça te dit qu'on commence par cette boutique. Ça te dit que... Ouais. Donc cette expression qui est très utilisée dans la langue française. Right, and it's like a suggestion, right? Or... Voilà, quand on veut faire une proposition, une suggestion. Ça te dit qu'on mange ensemble ce soir, Amaury? Pas de problème, Erika. Ok, cool. Donc voilà, on a ce début de phrase parfait pour proposer quelque chose. Ok, and so here, she proposes, ça te dit... Qu'on commence par cette boutique. Ok, so you commencez par something. Oui, voilà, on commence par ce magasin. Ok, and so they're going to commencer par... cette boutique here. Et donc elle est contente. Oui, c'est parfait. But she has a special reason to like cette boutique. Ils ont le jean de mes rêves. Okay, jean is pretty dramatic. All right. There's something about that word jeans. Oui, on voit ici, il est au singulier, le jean. It's singular. Voilà. And that's true when it comes to any kind of pants, right? Exactement. So le jean. Comme on dirait le pantalon. And here, ils ont le jean. What? De mes rêves. Okay. Now, that expression is used particularly, you might hear, il est l'homme de mes rêves. Quelle belle expression. Do you have an idea, Marie, of what is la femme de tes rêves? J'en ai une petite idée, oui. Okay, what is it? Femme qui aime voyager, qui parle bien français. Donc, il doit écouter French Pod. Okay, that's interesting. Mm-hmm. So, c'est la boutique where ils ont le jean de ses rêves, but oh no, mais non. Malheur, il n'y a plus sa taille. Every time. It always works out like that. C'est toujours la même chose. Qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'elle va devenir? Well, her friend has an idea. Ouais, puisqu'elle en a trouvé un autre, elle lui dit, essaye celui-là. Because why? Il a l'air pas mal. She's busy finding something else. Elle va essayer un petit haut rouge. So just like in English, in French, when you want to say a top, you say un haut. Oui. It's the same word, but this is a petit haut. And she finds it mignon. It's so cute. Le mot mignon va mieux dans la bouche d'une fille ici que d'un garçon. Oh, so guys wouldn't say it's cute? Pas vraiment, mais même en anglais, tu sais. Yeah, probably even in English. But would they say it to their girlfriend who's trying on clothes? Ouais, c'est vrai. Avec leur copine, ils diraient ça. Okay, they wouldn't be like, oh, ça va, it's fine, just take it. That's true, I found French guys, they like shopping. C'est vrai. They would get really into it, more than me. Like, no, I don't think that one. It's a little too, try this one. It was great. Ils sont intéressés quand même, ouais. So she tried on le jean. Donc maintenant, il est temps de savoir si ça marche, s'il est bien. Right, how do you say that to someone if so? How are the jeans going over there? Il te va le jean? Il te va le jean. It goes to you, the jeans? This is funny, huh? En fait, le verbe aller veut dire convenir ici. Mm-hmm. Yeah, and it's really common to say that too. Yeah, ça ne me va pas, whatever I'm wearing or this or whatever. Elle te va bien ta jupe aujourd'hui? Really? Ouais. Tu trouves, c'est vrai? Thanks, Amory. Okay, so she doesn't like the jeans though. She's not digging le jean. And what she says here is something that all women, like we always say, we're trying on clothes. Eh oui, c'est ce que toutes les filles racontent. Okay, what do they say? J'ai l'air grosse. So even French women would say this. Ah oui. That's crazy. French women are so skinny. Bah oui, mais elles ont toujours l'impression qu'elles sont trop grosses. Would you say this to one of your friends? When you go shopping, do you ask your friends? Ou enfin, comme je suis un garçon, j'irais plutôt, Ouais, j'ai l'air stupide. In clothes, even. Voilà. Oh, ok. Si le vêtement ne me va pas, je dis à mon sang, j'ai l'air stupide. It's still the same thing. They're like dumb in these jeans. Ouais. J'ai l'air stupide. Et donc, on emploie bien j'ai l'air. Right, so the expression is j'ai l'air, and you can use it for other things. Here we're saying clothes. You said stupid. Ouais. You can use it in other situations too. Ouais. Like, j'ai l'air fatigué aujourd'hui, because I didn't sleep very well last night, so do I look tired? Ou bien, il a l'air content. Tu vois, notre technicien, Davidico, il a l'air content depuis 3 jours parce qu'il a eu un bébé. Right. Congratulations, Davidico, our technician, had a baby. So, il a l'air très content. Right. And she thinks elle a l'air grosse. And her friend is so diplomatic. What did she say? J'aime bien le mot diplomatique que tu as utilisé. C'est vraiment le bon mot. Qui est pareil en français. Mais non, c'est juste que ce n'est pas ton style. So that's what we have to say if someone asks us and we don't want to hurt their feelings. Si vous ne voulez pas vous compromettre, voilà la phrase parfaite. Right, my friend, c'est juste que ce n'est pas ton style. That's all. And so now she wants to get an opinion on what she's trying, le haut that she tried on. She thought was so mignon. Donc elle demande à sa copine comment elle le trouve. And she says, oh là là. What? Il est trop joli. Il est trop joli, ce haut là. Donc voilà, on va dire c'est une fille typique. Elle dit, c'est vrai, tu aimes. It's not too... Il n'est pas trop moulant. So you have moulant means it's too tight. Does her friend think so? Mais non. Non, son amie, elle trouve qu'elle doit l'acheter. Elle dit, mais non, prends-le. Literally, take it. And this is a funny thing about French, because in English, if we said take it, it would mean steal it. Non, non, non, pas ici. Sorry, it implies steal it. But in French, that's what you would say, like, get it, go buy it, get it, prends-le. Achète-le. It's a synonym of achète-le. Exactement, ouais. Mm-hmm. And then she makes a prediction of what will happen if you prends-le. Tous les yeux seront rivés sur toi. So, tous les yeux seront rivés, riveted, fixed. Voilà. Sur toi. Après cette phrase, je crois qu'elle va l'acheter. I think you're right. Elle va le prendre. So is this a fixed expression? Tous les yeux seront rivés sur toi? Or can you use this word like rivés sur... Avec les yeux qui sont rivés sur une voiture, pour parler des hommes. If you're a guy. Voilà. And kids might, ils ont les yeux rivés sur la télévision. Exactement. For example. So it's always with les yeux though. Ouais. And here, if she takes that, tous les yeux seront rivés sur elle. C'est pas magnifique? Right. Donc maintenant, on va les laisser acheter le petit haut. Ok. Et nous, on écoute le dialogue. Ça te dit qu'on commence par cette boutique? Ouais, c'est parfait. Ils ont le jean de mes rêves. Oh non! Il n'y a plus ma taille. C'est pas grave. Essaye celui-là, il a l'air pas mal. Moi, je vais essayer ce petit haut rouge. Je le trouve mignon. Alors, il te va le jean? Non, regarde, j'ai l'air grosse. Mais non, c'est juste que c'est pas ton style. Et le haut, comment tu le trouves? Oh là là, il est trop joli. C'est vrai, tu aimes? Il n'est pas trop moulant? Mais non, prends-le. Tous les yeux seront rivés sur toi. So, Omri, when you go shopping with your pals, is this the kind of conversation you have? Alors, si on est que entre garçons, pas tout à fait. Not quite, hein? Peut-être des petits adjectifs qui vont changer. Like what? On n'en va peut-être pas dire... Well, like you said before, you wouldn't say, j'ai l'air gros, because you're a guy, dans ce jean. Non, on va pas dire ça, on peut dire... You would say, like before, j'ai l'air stupide. Ouais. On va pas trop employer mignon. Yeah. C'est beau, c'est joli. Guys tend to be, you know, pretty interested in la mode. Oui, par contre... Si on était avec notre copine, là on pourrait exactement employer le même vocabulaire qu'ici. Oh, ok, so if you're shopping with your girlfriend. Ouais, mais t'as raison en disant que les, je crois que les Français sont assez intéressés à aller faire du shopping avec leur copine. Right. Même avec des amis. And it's true because French guys are really good shopping partners. Ouais, oui, bah. Some of the best clothes I bought was my French boyfriend who explained exactly la taille. Non, non, non, c'est pas, c'est trop moulant. Non, c'est pas assez moulant. C'est ça qui. But not because it wasn't sexy enough, but because, ouais, you know, French people, you guys tend, you know, that size is really important. It très has to be perfectly fitting. C'est vrai. Ça, on pourrait dire que c'est assez élégant, généralement, quand c'est assez moulant, ça fait assez distingué. So moulant isn't necessarily a bad word. Like, you know, tight fitting is kind of more like it's too sexy. Oh. But in France, it's just close fitting. Like, French people don't tend to wear baggy clothes ever. Voilà. It's opposite of baggy, really. Voilà. Il y a plutôt une conception d'avoir des vêtements distingués quand elles sont proches du corps. Right. Quand elles ont la bonne taille, comme tu disais tout à l'heure. On trouve cela élégant. Right. And in France, la mode is really important. Tout à fait. Alors les Français suivent la mode. Even the men. Et les hommes aussi. Mm-hmm. Et donc pour l'instant, on a cette mode, par exemple, où ce sont les pantalons moulants. That's true. And it's actually been that way for a while. Un peu trop longtemps, selon moi. Moi, je n'aime pas trop. You're over the whole moulin craze, hein? Ready to move on to the baggy times. And you, do you follow la mode? Ben, un petit peu, un minimum. Mais je suis pas fou, je suis pas accro, je sais pas comment prendre. You're not addicted to fashion? Non. Bon, ça te dit qu'on commence the end of the podcast? Il faut. Okay. Well, first though, we should direct you to Frenchpod.com where you can ask questions if you have any about this lesson. Vous avez la possibilité de dialoguer avec nous, bien sûr, encore, mais avec plein d'autres utilisateurs. So come check it out. Frenchpod.com. Merci. Et à très bientôt. Au revoir.